Bonjour mesdames et messieurs, chers auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue dans son journal en langue française, la grande édition de la mi-journée de ce dimanche 10 juin 2018, dont voici les principaux titres. La lumière sur les crimes qui ont endeuillé le pays nécessite un effort supplémentaire, c'est du moins l'avis du président de la MPC Guirou Bounou lors de la commémoration du 23e anniversaire des massacres des étudiants de l'université du Burundi perpétrés en 1995. Désormais, les passages à l'intérieur de la forêt de Kibira côté Bubanza est interdit. C'est dans la mesure de protéger cette réserve forestière, vous l'entendrez dans cette édition. Grogne des passagers qui se déplacent à bord des bus de transport en commun. Ils se plaignent que les pièces de 20 francs restant sur le ticket de transport ne leur sont pas rendues. À Rumonge, on vous parlera des pêcheurs aux portes de cette province qui disent que la pollution industrielle est l'une des causes de la diminution sensible de la production des poissons. Voilà pour les grands titres. Dans quelques instants, les détails, c'est dans cette édition qui vous est présentée par Moïse Misago. La mise en onde est assurée par Albert Ndouayo. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Encore une fois, bienvenue. La découverte de la vérité sur les crimes qui ont été commis dans le pays n'est pas chose facile, car ça demande un courage exceptionnel. Ces propos sont du président de l'Association pour la mémoire et la prévention des crimes internationaux, AMEPC Guirou Bounou, dans un atelier organisé ce dimanche à l'intention des jeunes universitaires dans le but de la commémoration du 23e anniversaire des massacres des étudiants du campus Mutanga survenus dans la nuit du 11 juin 1985 à l'Université du Burundi. Au moment où le mandat de la CVR touche vers sa fin, Aloïs Batungwanayo trouve qu'elle est importante et que les jalons de la recherche et de la vérité ont été posés. Suivez-le. L'objectif principal de cette commémoration, c'est de prendre le taureau par les cornes pour qu'on lance les jalons de la recherche et de la vérité de ce qui s'est passé en 1995. Nous voulons essayer de chercher et raconter pour dire aux gens qu'est-ce qui s'est passé en 1995. Nous voulons savoir comment est-ce que dans un grenier du savoir, les gens, entre eux, tout simplement parce que les gens sont nés Bahutu, sont des criminels qui doivent être victimes parce qu'ils sont nés Bahutu et qui doivent être exécutés par malheureusement leurs compagnons de lutte dans la recherche de la science. C'est ça que nous voulons chercher à savoir et montrer enfin que ces choses-là ne puissent plus se répéter. La commission vérité et réconciliation qui a été mise sur pied est à quelques mois de la fin de leur mandat. Est-ce que la découverte de la vérité au Burundi sur ces événements et d'autres événements qui ont endeuillé le pays est-il possible? Très possible. Très possible parce que la recherche de la vérité, ce n'est pas une action, ce n'est pas une ordonnance, ce n'est pas un décret, mais c'est un processus. Un processus, si vous voulez, long et ça demande de l'endurance. Nous sommes endurants. La commission Vérité et Réconciliation a déjà jeté les jalons de la recherche de cette vérité. La commission Vérité et Réconciliation rendra un rapport sur ce qu'elle a déjà eu sur les massacres de 1995 à l'Université du Burundi, mais dans tout le Burundi. Ce sera une vérité, certes, mais pas une vérité complète. Alors, la commission Vérité et Réconciliation a eu certaines données qu'elle va exploiter et le travail restera à l'université, aux universitaires qui ont une très bonne méthodologie de recherche pour mettre la lumière sur ce qui s'est passé. Vous avez rassemblé des jeunes universitaires. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de ces jeunes lors de cet atelier? On ne peut rien attendre de quelqu'un lorsqu'on ne lui a rien donné. La première chose, c'est de leur donner un bagage. C'est de leur dire quel était le contexte qui prévalait au moment des massacres à l'université du Burundi, précisément au campus Mutanga. Et on va leur dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ceci, quelles étaient les victimes, quels sont les présumés auteurs. Et après avoir donné ces connaissances à ces étudiants, on va leur demander chaque fois veiller à ce que des massacres pareils ne se reproduisent plus jamais dans un milieu où les gens acquièrent la connaissance pour construire un pays, la connaissance non pas pour détruire les voisins. Aloïse Batungwanayo était au micro de Charles Makoto. Tous les chemins passant par la forêt naturelle de Kibira, côté Musigati et Rugazi sont actuellement fermés. Le gouverneur de la province Bubanza explique que non seulement cela empêche la destruction de cette forêt sous différentes formes, mais aussi elle sera protégée contre les feux de brousse dans cette saison sèche qui s'annonce. Tarsis Gahungu met en garde les éleveurs qui ont repris l'habitude d'amener leurs vaches dans la réserve de Rukoko alors que c'est interdit. Spes Caritas Kabanyana, correspondance. Tous les passages de la Kibira, de Musigati et de Rugazi ont été fermés. Personne ne peut y accéder, sauf les gardes forestiers chargés de mettre en application cette mesure, une mesure fortement appréciée par certains habitants de la localité. Selon l'administration locale, c'est la meilleure façon de lutter contre les exploitants illégaux comme les orpailleurs, les cultivateurs et même ceux qui coupent les arbres pour différentes utilisations. Mais aussi, on a constaté l'année dernière qu'une telle mesure a réduit à zéro l'effet de brousse qui avait l'habitude de ravager cette forêt pendant la saison sèche, selon l'administrateur de la commune Moussigati. Même son de cloche, c'est le gouverneur de la province de Bouvansa qui explique lui aussi que cette mesure d'interdire la circulation d'Arakibira limite et même réduit sensiblement l'effet de brousse, surtout que la saison sèche a déjà commencé. Tarsice Niyongabo annonce également que même au niveau de la réserve naturelle de la Rukoko, côté Gihanga, les passages sont fermés pour des fins pareilles. Il déplore cependant le fait qu'il y a des éleveurs qui ont encore une fois repris l'habitude d'y amener leurs troupeaux alors que c'est interdit, qu'ils s'exposent donc aux sanctions conformes à la loi. Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Quittons Bubanza vers Bujumbura où les clients des bus de transport en commun Amérique de Bujumbura se plaignent toujours que les convoyeurs ne leur remettent pas les 20 francs qui restent une fois qu'ils payent 4 safrabou. Mais du côté de la Banque centrale de Bujumbura, BRB, l'on indique que les pièces de 10 francs sont disponibles et demande aux propriétaires de bus qui assurent le transport d'aller les retirer dans les banques commerciales. N'est-ce pas Mireille Naomi Nitegeka? Ceux qui utilisent le bus pour vaquer aux différentes activités se plaignent comme quoi les convoyeurs les volent en ne leur rendant pas le 20 francs du moment où que le bus est à 380 francs bout, dépendamment de lieu. J'ai payé 400 francs bout. Les convoyeurs nous donnent le prétexte qu'à la banque, il n'y a plus des pièces de 10 francs et on est obligé de payer 400 francs parce qu'on ne peut pas se battre ou se chamailler à cause de 20 francs. En bref, c'est un vol organisé. Si ces pièces sont disponibles, le gouvernement devrait prendre en main cette situation pour mettre fin à cette ruse des convoyeurs. Les convoyeurs et les chauffeurs de bus nient cela. Ils disent qu'ils donnent leur échange. Cependant, ils affirment que deux fois, à partir de 15 heures, il manque ces pièces de monnaie. Je vois que les passagers mentent parce qu'on rembourse ça aux 20 francs, mais il y a quelques heures, comme les après-midi, vers 15 heures ou bien 16 heures, celui qui nous donne ces échanges peut aller à la maison à 7 heures, alors que nous, nous manquons celui qui peut nous donner ces échanges. Après que les passagers viennent, nous n'avons pas ces échanges. Non, ce n'est pas notre malignité. À la Banque de la République du Burundi, ils affirment que ces pièces de monnaie sont disponibles. Dans une conférence de presse du 23 mai, Clément Boutoke, chef de service d'émission monétaire et analyse fiduciaire à la BRB, fait savoir que tous ceux qui auraient besoin de ces pièces de monnaie peuvent aller les retirer dans les différentes banques commerciales. Les stocks disponibles dans nos entrepôts sont largement suffisants pour couvrir les besoins exprimés dans ces pièces. Nous invitons le public à demander ou à se procurer ces pièces auprès des banques commerciales, que ce public soit détenteur ou pas de compte bancaire. Et je profite de cette occasion pour inviter les agents économiques qui font des activités qui nécessitent qu'on rende la monnaie à leurs clients, de se présenter au guichet de banque et toutes sont disposées à mettre à disposition du public. Suite à cette situation, il y a des malentendus entre clients et convoyeurs. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Certains pêcheurs du port de Rumonge affirment que les poissons ont diminué dans le lac Tanganyika suite à la pollution industrielle et les lampes moins éclairantes qu'ils utilisent dans leur métier de pêche. Ils l'ont dit ce samedi lors d'une réunion avec les représentants. Le représentant légal des pêcheurs en province Rumonge a précisé a promis de soumettre leurs doléances au sein du ministre ayant l'agriculture de l'élevage dans ses attributions afin de trouver la solution durable à ce problème. Reportage Anosiat Ndabarushimana. Comme l'affirment certains des pêcheurs qui exercent leurs travaux au bord du lac Tanganyika à la plage de Lumonge, la production de poissons a sensiblement diminué suite aux nouvelles lampes utilisées. Un de ces pêcheurs indique que même les déchets provenant des différentes usines entraînent cette diminution. Les nouvelles lampes que nous utilisons actuellement sont moins éclairantes, raison pour laquelle on observe une carence des poissons dans le lac Tanganyika. Les poissons sont disponibles périodiquement, mais aujourd'hui, c'est le chaos. L'autre raison, c'est la pollution industrielle. Si quelqu'un veut ouvrir son industrie, on ne lui demande pas où il va jeter les déchets de son industrie. Les acides et les déchets des industries comme Brasserie, Amsar et Rafina, tous se jettent dans le lac Tanganyika. Cela provoque la fuite des poissons vers les liens non-polluants. Ce pêcheur dit que la mesure prise de suspendre la pêche pendant une période quelconque est à l'origine du manque de poissons. Le lac Tanganyika est un patrimoine de quatre pays, à savoir le Burundi, Zambie, la Tanzanie et la RDC. La décision de la fermeture du lac Tanganyika a été prise dans une réunion organisée par ces pays. Mais ce qui est étonnant, c'est que le Burundi a respecté cette décision. Nous avons constaté que cette décision n'a pas été consensuelle. Le représentant des pêcheurs au Burundi tranquillise ses pêcheurs que leurs inquiétudes vont être adressées au ministère ayant la pêche dans ses attributions afin de trouver une solution. Ils ont énuméré beaucoup de défis. Nous allons rédiger un rapport qui sera transmis au ministère concerné. Ça fait une semaine que nous visitons les différents ports de la province de Lumonge. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, nous allons préparer un rapport. Gabriel Butoyi demande aux pêcheurs de continuer à respecter la loi régissant leurs fonctions en attendant la décision du ministère. Merci Anosiate Ndabarushimana. Quittons le sud-ouest du pays vers l'ouest où les caféiculteurs de la province Karusi se plaignent qu'ils ne sont pas payés pour leur café vendu dans les différentes stations de dépulchage. Les responsables des sociétés Olam Burundi et Sonikov acheteuses tranquillisent qu'ils se préparent déjà pour leur paiement. Blaise Pascal Kararoumie. Les caféiculteurs de la province Karusi s'indignent qu'ils passent déjà une dizaine de jours en attente d'être payés pour leur café cerise vendu dans les différentes stations de dépulpage de la province Karusi, mais en vain. Les responsables de certaines de ces stations, comme celle de la commune Bugenyuzi et dans la commune Gitaramuka qu'on a contacté, ils affirment avoir acheminé au bureau de leur société qui ont acheté ce café toutes les statistiques nécessaires pour le paiement de ces caféiculteurs. Le président de l'association des caféiculteurs de la commune Mutumba indique qu'avec ses collègues des autres communes, il ne cesse de demander aux responsables des sociétés qui ont acheté ce café, Olamo et Sogestar Kirimiro, afin qu'il y ait ce paiement. Hélas, Nsabugufi déplore que la période d'attente risque d'être très longue. À la société Olamo Burundi, qui possède 6 stations de dépulpage et 18 centres de collecte se trouvant dans toutes les communes de la province, le coordinateur affirme qu'il prépare déjà le paiement de ces caféiculteurs qui ont vendu leur café cerise au niveau de cette société. Il dit que la saisie des statistiques venues de toutes les stations est déjà terminée et tranquillise que le paiement pourra survenir la semaine prochaine pour la première tranche de paiement. C'est au moment où les responsables de la filière café au niveau du pays ont annoncé que le paiement de ces caféiculteurs devrait débuter avec le premier en cours. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararoumie pour Radio Isanganiro. Quittons Karusi vers Muyinga à l'ouest du pays. L'eau en provenance de la source de Kabedjan en commune Gasogo n'est pas encore distribuée aux habitants de la ville de Muyinga, attendant la clôture des travaux d'adduction depuis bientôt une année. Djumaïne Badende, conseiller économique du gouverneur de la province Muyinga, demande aux administrés d'utiliser, d'user la patience. C'est la phase de travaux de finissage. Diédoné Zeimana, correspondance. Dans le cadre du projet d'addiction d'eau et d'assainissement des villes du nord du pays, un réservoir a été construit à Mokoni, en ville de Muyinga. C'est pour collecter l'eau provenant de la source et aménager à Kabedjan, commune Gasogwe. Des tuyaux ont été posés dans la ville de Muyinga. L'eau attendue depuis plus d'une année par les résidents de la ville de Muyinga n'est pas encore à leur portée. Vers juin 2017, comme Manila Kiza, ministre en charge de l'eau, a fait une descente sur terrain où la société Soja Satom exécute les travaux, comme à la source de Kabedja. Des ingénieurs projetaient la fin des travaux vers août de la même année. Certains habitants qui salient le projet, venus pour satisfaire la demande toujours croissante en eau, déclarent désespérés avec les prolongations. Les délestages continuent avec les anciennes sources. Baden de Jumaïne, conseiller économique du gouverneur de la province Muyinga, rassure. Les travaux continuent, c'est à la phase de définissage. Pour rappel, avec le même projet, une dizaine de blocs sans ont été érigés dans différents coins de la ville de Muyinga. Bon nombre reste fermé. Il faudra attendre la disponibilité de l'eau en quantité suffisante pour les exploiter. De Muyinga, Diedone Nzeimana pour la radio Isanganiro. Merci Diedone Nzeimana. À 13h12, on poursuit ce journal. Le système de transactions électroniques faciliter les opérations monétaires, que ce soit pour les banques ou les individus. Cela est affirmé par le chef de service infrastructure et sécurité informatique au sein de la Banque de la République du Burundi, BRB. Dismas Manirakiza ajoute également que la Banque centrale a pris des précautions pour le remboursement de ceux qui subiraient des vols lors de ces transactions. Il l'a dit à la fin de la semaine écoulée lors de la célébration de la journée dédiée aux télécommunications. Suivez-le. Il y a beaucoup de systèmes de transactions électroniques tels que les systèmes de transactions sur le téléphone mobile, mais aussi il y a d'autres systèmes tels que ATS, CSD, un système de compensation électronique qui a été mis en place pour faire des compensations électroniques entre les différentes banques. Par exemple, pour payer les salaires des employés, on n'a pas besoin de passer une semaine entre de saisir des salaires de ces derniers dans notre système pour les envoyer au niveau de banque commerciale. Si nous avons un fichier électronique, nous envoyons ce fichier électronique dans ce système et dans quelques secondes, les montants de salaire des employés sont envoyés directement au niveau des différentes banques pour être acheminés vers les comptes des bénéficiaires. Est-ce qu'il ne peut pas se remarquer des vols lors de ces transactions électroniques? Le vol, jusqu'à présent, on n'en a pas encore remarqué, mais si jamais il y a des vols, la Banque centrale a pris des précautions pour que si jamais un client X envoie de l'argent et que cet argent est interpellé par un hacker ou bien un pirate, la Banque centrale puisse rembourser son client. Pour cela, la Banque centrale demande aux sociétés de télécommunications de faire un dépôt de 1 milliard sur le compte qui est ouvert au niveau de la BRB, qui doit constituer un dépôt pour que si jamais il y a un problème de ce genre, la banque puisse rembourser son client dont sa transaction a été interpellée. Dismas Manirakiza était au micro de Alida Ndaikeza. Et pour clore cette édition, l'organisation American Friends Service Committee prévoit étendre les festivals de la paix dans toutes les provinces du pays. Lors de la clôture ce samedi du festival de la paix à Mairie de Bujumbura, Jean-Pierre Nyabenda, assistant des programmes au sein de cette organisation, fait savoir que ce festival a été bénéfique pour les jeunes en matière de consolidation de la paix. Il indique également que son organisation a noté que les jeunes ont compris les avantages de la paix et de la cohésion sociale. Suivez-le. L'appréciation est vraiment positive. Il y a un public très diversifié qui vient de différentes provinces, aussi qui sont de partis politiques différents. Alors c'est quelque chose de très positif parce que lorsque les jeunes se rencontrent autour d'une activité culturelle, cette activité-là leur permet de se réconcilier, de consolider la paix. Quels sont les défis auxquels vous avez fait face? En fait, les défis auxquels on a fait face, c'est par rapport au public. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment eu un public, un très grand public. Cela a eu lieu au manque de visibilité. Nous, on n'a pas prévu de faire beaucoup de publicité, que ce soit à la radio ou à la télé, pour le festival, le dernier festival. La prochaine fois, on va essayer comment associer d'autres radios pour que les jeunes puissent comprendre, puissent savoir ce qui est en train de se passer. Surtout en rapport avec notre projet, le projet de renforcement de la cohésion sociale et sécurité communautaire qui a commencé depuis 2005. On est dans trois provinces, province de Bururi, province de Bujumbura-Mairie et province de Bujumbura. Pour la suite, on va essayer de faire connaître notre projet pour que dans les activités à venir, on puisse rassembler un maximum de gens possible. Les jeunes ont beaucoup bénéficié par rapport à la formation qu'ils ont eue par rapport aux résolutions pacifiques des conflits, la communication non violente, le leadership, les jeux, les sketchs qui sont présentés. Il y a le message de paix qui revenait chaque fois, le message de cohésion sociale, le message de paix, le message de consolidation de la paix. C'est quelque chose de très positif qui montre que les jeunes ont bénéficié les formations qu'ils ont eues. Pour l'avenir, on aimerait organiser un festival qui va toucher tout le monde, toutes les provinces, tous les autres jeunes qui n'ont pas eu la chance de venir. On aimerait les toucher dans les provinces. On a travaillé dans trois provinces, Bujumbura, Bujumbura-Mairie et Bururi. On aimerait organiser cette activité culturelle dans toutes les provinces du pays. À 13h16, c'est par cet élément que nous mettons point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndouaye pour sa parfaite collaboration. Ce journal vous a été présenté par Moïse Misago. Je vous dis au revoir.